Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, on commence avec un duo de chanteurs italiens, deux générations. En tout premier lieu, on aura Stefano Lupo Galifi. Je pense que les amateurs de prog italien vont se rappeler du chanteur de Museo Rosenbach avec le classique Zarathustra paru en 1973. Museo Rosenbach a fait un petit retour en 2000, mais il y avait seulement deux membres de la formation originale, le bassiste et le batteur. Par contre, Stefano, lui, a fait un retour en 2010 avec le groupe Il Tempio dell'Eclissidre, qui est, on dirait, un classique des années 2000 dans le prog italien. Et puis, véritable retour pour Museo Rosenbach en 2013 avec Barbarica. Et là, ben, pour la toute première fois, Stefano Galifi nous arrive avec un album solo et réalisé avec la complicité de Luca Scherani, le grand complice de Fabio Juventi. Ça suscite bien des espoirs. Et l'album a pour titre « Dei ricordi un museo ». Et puis, on aura aussi Alessandro Corvaglia, qui est la voix de sa génération. Son premier album solo, lui aussi, « Out of the Gate ». Après ça, Marc, je pense que le Japon sera à l'honneur et aussi l'Italie. Oui, Michel, en effet, du Japon, on a la formation Sinclair, qui a fait paraître leur premier album cette année. C'est une formation qui a été fondée en 2020. Par la compositrice claviériste Yuko Anzai. Donc, leur premier album s'intitule Claire's Fantasy. On aura la pièce Hand in Hand. Et également, un nouveau supergroupe de l'Italie avec un premier album qui est paru au mois d'avril cette année. La formation a pour nom Ambigramme. Ambigramme, c'est le titre aussi de leur premier album. On aura la pièce Cerberus Arrays. Mais tout d'abord, la nouveauté et primeur de Stefano Lupo Galifi et également un nouvel extrait de l'album de Alessandro Corvaglia. città, il piano si trasforma e alimenta il fango del seduto sul suo passato. Immagino ci fosse tanto freddo, sole rifiutato. Le luci gialle di una città che piano si trasforma e alimenta il fango del seduto sul suo passato. Tu, quella notte che pensavi, qual era? Città che piano si trasforma e alimenta il fango del seduto sul suo passato. Tu, quella notte che pensavi, qual era la tua domanda? Cos'era la tua? Cos'è la mia famiglia?

sharp tail. You will rape and kill on anger. What you've done, you evil servant. Wings of dark, beast of burden, Severus, you. Sentence for all chance. Once you've drunk my blood, torment my flesh, my poison will not delay your end. CKRL, communication, culture. Un texte d'Andréane Frenette-Vallière, lu par Marianne Marceau, sur une ambiance sonore de Frédéric Brunet. Une production de l'ICQ, Québec en toutes lettres. Parfois, j'invente la mer sur la ville. Je vois les chutes débridées des fous et nous devenons ces bouées en surface qui attendent, hébétées. Nous assimilions lentement et si nous désirons, c'est désormais d'ardeur trahie. Pourtant, nous retrouverons, je le crois, les enfants vifs que nous étions. Ces enfants existent encore, la nuit. Ils se fraient des chemins, puis parlent, depuis les journées sobres et claires, de ceux qui dorment. Les plus indocés, les futuristes langues, fleuriront là. Cela, je le sais. Ma belle amour, ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Je te dois bien ça, après une semaine complète à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis, puis à te crier après. Mais ce soir je t'ai cuisiné ton repas préféré. Pour recommencer cette semaine à confisquer ton cellulaire, à fouiller dans tes messages, à te traiter de nom, à insulter tes amis. Les gars, la violence faite aux femmes, ça s'arrête là. Contactez SOS Violence Conjugale, un message du gouvernement du Québec. Depuis toujours, les infirmières prennent soin des patients avec cœur et dévouement. Aujourd'hui, c'est à notre tour de prendre soin de ces professionnels en valorisant leurs compétences et en assurant rapidement un meilleur équilibre entre travail et vie familiale. C'est également l'occasion pour les personnes qui ont quitté le réseau public de revenir prêter main forte avec de meilleures conditions. Plus que jamais, nous avons besoin d'elles pour améliorer la vie des patients. Pour en connaître davantage sur notre plan d'action, rendez-vous à québec.ca/infirmières. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour donner le coup d'envoi de notre second bloc musical, on va y aller avec une nouveauté suédoise. Ce qui peut paraître surprenant, mais c'est pas si courant que ça maintenant. Il s'agit du nouvel album de Jonas Lindberg, qui en 2016 avait présenté un excellent disque sous le nom de Jonas Lindberg and the Other Side. Le disque avait pour titre Pathfinder. Maintenant, c'est un disque qu'il présente sous son nom, Jonas Lindberg, Miles from Nowhere. On note comme invité spécial pour la pièce titre, une épique de 25 minutes, Ryan Stolt lui-même. Et puis on aura aussi du côté brésilien, Lucas Barnery, qui présente son disque solo The Wave and the Sea, chanteur, claviériste, guitariste, entouré de musiciens brésiliens. Et vous allez découvrir que David Gilmour est probablement un de ses héros. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on va faire un petit tour du côté des États-Unis. Oui, c'est la formation américaine Coloratura qui sont de la Virginie et ils présenteront le 3 décembre prochain leur nouvel album Black Steeple Church. On aura un extrait en primeur à l'émission de ce nouvel album, le troisième pour cette formation, avec la pièce Shepherd's Throne. Mais tout d'abord, comme vous le présentez Michel, la nouveauté de Jonas Lindberg, un album qui paraîtra d'ailleurs le 25 novembre prochain, Miles from Nowhere. Ce sera suivi de Lucas Barnery. We'll be right back. Show me.

Another slice. I get from those heavens above. But a kick to the pit, cast off with a shove. And I screamed in agony, my heart burned with pain. My mistake came full circle to kill me again. What has this been, if not all some play? KRL.QC.CA. La musique live est sans doute l'une des choses qui nous a le plus manqué. Le district Saint-Joseph est fier de vous annoncer le retour des Mardis Open Jam. Une multitude de styles de musique sur une seule et unique scène dans le plus beau bar de la ville. Tous les mardis dès 21h, venez entendre un jam haut en couleur créé par les meilleurs chanteurs, compositeurs et improvisateurs de Québec. L'entrée est gratuite et les portes ouvrent à 20h. Bienvenue aux musiciens et musiciennes, districtsaintjoseph.ca. Un texte de Laetitia Baumel, lu par Marianne Marceau, sur une ambiance sonore de Frédéric Brunet. Une production de l'ICQ, Québec en toutes lettres. Ce sont des racines, des enfants noués sous la peau des visages. Longtemps, nous avons longé les murs, traqué leurs pistes parmi les fougères de l'appartement. tu as fini par ouvrir ta poitrine, par déposer la première des flocons sur mon visage. La lumière a empli tout l'espace, tout le temps et nos corps de gestes mêlés. Nous n'avions jamais tant aimé. Nos frontières désormais impatientes hémophiles. De CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, pour la troisième demi-heure, on aura des formations de la Norvège, des États-Unis et du Canada. Alors, on aura la formation canadienne Half Past Four, qui sont de la région de Toronto, tirée de leur plus récent album complet, Good Things, paru en 2013. Je dis ça parce qu'il y a eu aussi un EP intitulé Land of the Blind, paru en 2016. Donc, l'album Good Things, qui était leur second album en carrière, on aura la pièce It Strikes You. On aura également la formation américaine Moon Letters, qui ont fait paraître leur premier album en 2019, l'excellent album Until They Feel the Sun. On aura la pièce Beware the Thin Man. On aura également de la Norvège Giorgio, tiré de leur plus récent album paru cette année, Pastoralia. C'est leur sixième album en carrière. On aura la pièce Jord 3. Et pour débuter, Michel, l'excellente formation Caligonaut. Oui, une des belles surprises à nous parvenir de la Norvège en 2021, c'est le projet du guitariste et chanteur Ole Michael Bjørndal, un musicien qui a joué souvent avec Bjørn Riis, Airbag, Oak, et qui a eu un coup de main de d'autres Norvégiens pour ce premier essai, c'est-à-dire des membres de Wobbler, dont le claviériste Lars-Fredrik Freusli, le bassiste Christian Ulgren, et puis le chanteur aussi Andreas Presmo, qui, selon ce que Ole m'a raconté, lui a servi de coach tout le long des sessions d'enregistrement, coach vocal, donc parce qu'il m'expliquait qu'il n'avait pas vraiment une grande expérience de chant. Donc c'est Andreas qui l'a guidé lors des sessions. Et on y va avec ce premier essai réussi donc, du guitariste. Horizons of white snow touch the mirror-cracked sky. Sweet rustling of leaves keeps the mind at ease. Feet comes to a halt as the sun drops in the river. Here my God is shed, open to the visions in my head. 'Cause in this dark I remember you and I, and the spark we followed way up high, magnified as giants. We survived. Distant glow in the stars that meet my eye. Will this pure heart last, or again to see the shadow? I never meant you harm, still it all was said. But in this dark I remember you and I, and the spark we followed way up high, magnified as giants. We survived, we survived.

fractal, and tiny in the arrangement theme and the splits from the overflow of a dim on newspaper. Heftige steinrøys kubber med svovelåte gisper opp mot himmelen. Det kveld, og avganger og litt bedrøvde striper har lagt seg på rygg, over sjøen og sandbanken. Get out of whisper in my ear. Get out of

kniven som snart blir till en ström. Jag biter dig i hjärtat, jag salter dina sår. Vi skjuler våra lyster och frykter de förstår. Den pendel som jag bärer på mitt säregne vis är spejlet av min skygge som täckes av ett glis. Är jag det alla frukter klädd i latter och i dröm? Frukter du din ära som skall svika dig? Thank you.